Chapitre 27. Au jardin. Monsieur Honorat possède au pied de sa tour un jardin dont il est très fier. Un jardin? Non, un ressaut du roc aplani entouré d'un mur et de tous les côtés dominant l'abîme. Ce mur retient un peu de terre végétale trouvée dans les fentes, laquelle terre, se mêlant aux débris du roc lui-même, friable pierraille en train de fondre et de se pulvériser au soleil, constitue un problématique humus qui, ailleurs, ne suffirait pas à nourrir les sobres racines de l'ortie ou de la ronce, mais dont se contentent, en ce climat béni, trois pieds d'oranger, un laurier, une bordure de romarin, quelques fruits et quelques légumes. Le tout, tant bien que mal arrosé par l'eau rare d'une citerne que M. Honorat ménage parcimonieusement. La nuit approchant, j'étais venu m'accouder au parapet de ma terrasse, sans motif bien défini, histoire de réjouir mes regards aux changeantes splendeurs de l'horizon, qui, là-bas, s'empourpre, et peut-être aussi parce que, juste au-dessous de la place que j'ai choisie, se trouve un banc de pierre qu'un laurier ombrage et où, quelquefois, Mademoiselle Laurette aime s'asseoir. Comme l'après-midi a été brûlante et que plantes et fleurs s'inclinaient, altérées, Mademoiselle Laurette et Saladine font ruisseler largement, joyeusement, l'eau de la citerne, au grand désespoir de Monsieur Honorat, qui proteste. Mademoiselle Laurette rit, les voix montent dans l'air frais du soir. « Dès que l'on touche au robinet, s'écrie Saladine en montrant Monsieur Honorat, on dirait que son sang se verse. » Et Mademoiselle Laurette ajoute, « Père sème ses haricots par gloire, moi je leur donne à boire eux. Par pitié. » Puis Monsieur Honorat est sorti, toujours en querelle avec Saladine, et Mademoiselle Laurette est restée seule. Je suis descendue au jardin. Mademoiselle Laurette m'a dit, je vous avais vu, je vous attendais. Elle m'a dit cela d'un air tranquille, ingénument, sans fausse honte, en personne sûre d'elle-même, et sûr de moi. Mais, ayant prononcé le mot de départ, je l'ai vu devenir subitement pâle, de cette pâleur mate des brunes qui les font ressembler à des statues. Un instant, j'ai eu peur. Les paupières baissées, sans doute pour ne pas pleurer, immobile, la petite Laurette était de marbre. Et quand elle m'a regardée, dans ses yeux, où des larmes montaient, il y avait une immense tristesse. Sans une parole, elle m'a fait signe de l'attendre. Elle est allée jusqu'à sa chambre chercher la boîte des souhaits, symbolique coffret où tiennent ses espérances et ses bonheurs de jeune fille. Et l'ayant ouvert, l'ayant vidé, elle m'a montré pêle-mêle, avec l'œuf, le sel et la quenouille, 20 bouquets pareils à celui que je lui ai offert, les uns frais encore, et les autres déjà flétris. « Mes fleurs, mes pauvres fleurs !» soupirait-elle. « J'étais chaque matin si contente de les trouver, là, sur ce banc, frileuses, baignées de rosée. Je les réchauffais sur mon cœur, sachant qu'elles venaient de vous. Je me disais, il n'ose pas me les donner lui-même, mais il est brave, c'est un homme, le courage, un jour lui viendra. Le courage vous était venu, puisque hier, vous m'avez offert un bouquet de ces mêmes fleurs devant mon père. Et maintenant, vous nous quittez. Que vous importe notre amitié? Que vous font les pleurs de Laurette? Sa grande colère s'en allait en larmes, et ne comprenait pas mais délicieusement émue, je ne pus m'empêcher de sourire quand j'entendis Norette dans mes bras, entre deux sanglots, s'écrier d'une voix redevenue presque enfantine. « Ce n'est tout de même pas joli, non, pas joli de tant aimer un monsieur qu'on ne connaît pas » Qu'ai-je répondu ? Je l'ignore. Mais quand nous sommes sortis du jardin, Mademoiselle Norette ne pleurait plus. Et, malgré mes dénégations étonnées, on m'avait prouvé que c'était moi qui, chaque soir, depuis 20 jours, laissais du haut de ma terrasse tomber un bouquet sur le banc aimé de Norette. Le diable, évidemment, se mêle de mes amours, et cette histoire de bouquet cache quelque sorcellerie. Ne cherchons pas. Le mieux est encore de laisser aller les choses. Est-il besoin de comprendre pour être heureux ?